Je vous ferai grâce de la suite immédiate du discours, aussi vite que pompeux, pour ne garder que le dialogue entre Rodolphe et Emma.